Vous écoutez C'est Fou en balado-diffusion. Vous aimez ça? Visitez cestfou.ca. La pilule du lendemain avec Marc et Sylvain. Fin prête pour sa chronique stéréotonine. Sophie, hein, on va te placer. Écoute, t'as droit à ta pièce. Hein? Bon matin. Bon matin, Sophie Laforêt. Comment vas-tu? Je vais bien. Très bien. Il fait beau. C'est tout ce que j'ai à dire. C'est-tu pas fantastique, ça? Ben, c'est fantastique. Alors, ce matin, Sophie, tu nous parles... On peut sur le volume un peu, là. On va virer fou d'un rêve. OK, tu nous parles, j'avais noté ça, de l'étiquette de disque trifluvienne Haribin Sila. Exactement. Donc, je trouvais ça quand même important. On parle beaucoup de disques, beaucoup de sorties musicales, etc. Mais des fois, de s'attarder à comment ça fonctionne dans le monde de la musique. Donc, moi, j'ai rencontré la semaine dernière Louis-Alexandre Beauregard. On s'était donné rendez-vous pour discuter de leur étiquette de disque qui est trifluvienne, donc qui existe depuis 2 ans. Avant d'en parler, qu'est-ce que c'est une étiquette de disque? Parce ben que, oui. En fait, des fois, c'est confondant un peu tout ça. Donc, une étiquette de disque, en fait, c'est ce qu'on appelle aussi un label en anglais, puis on l'utilise souvent en français aussi. Okay. C'est une société qui est éditrice de disques, puis qui s'occupe, dans le fond, de coordonner le marketing, la distribution de l'album, puis qui va faire un peu de promo alentour de tout ça. Donc, sommairement, c'est ça que ça fait une étiquette de disque. Puis, pour vous donner une idée, là, il y a... En faisant ma petite recherche justement là-dessus, il y a 4 grands labels internationaux qui se partagent 77 % du marché mondial. Donc ça, c'est pas rien. C'est pas peu dire, au sens où après ça, quand on parle de labels indépendants, ben, on peut penser que de façon mondiale, là, ils se partagent comme un 23 %, mais... Ouais. Simon Fitzbé qui acquiesce. Simon, t'es au courant de ça? Ouais. Ben, je savais qu'il n'y avait pas beaucoup de labels, en fait. C'est surtout les grandes maisons qui dirigent tout. C'est un peu dommage, selon moi, mais bon. Ah, les monopoles. Ouais, oui, qu'est-ce que tu veux? Donc, les 4 grands labels, en fait, vous les connaissez sûrement. EMI, Universal, Warner et Sony BMG. Pardon. Donc, voilà. Donc, l'étiquette dont il est question aujourd'hui s'appelle Haribin Sila. Et ça veut rien dire de particulier. Moi, je lui ai demandé, est-ce que ça a une signification particulière? Il dit que non, c'est vraiment 2 mots comme ça qui n'ont aucune signification. Puis, eux, ce qu'ils essaient de faire, c'est vraiment d'avoir sur leur étiquette des groupes qu'ils considèrent comme faisant de la musique non conventionnelle, dans le fond, plus... Qu'est-ce qu'on entend par non conventionnel, Sophie? Bien, je vais te donner un exemple. Moi, ce qu'il me disait, c'est, bon, il y a un groupe là, à Trois-Rivières, The New Cities. Ouais. Exemple qui est vraiment... Puis... Qui fonctionne très bien sur la scène, en tout cas mondiale. Ils ont fait un vidéoclip, je pense qu'ils ont été signés même par Sony, justement. Exactement. Un des 4 grands labels. Ouais, ça a fait l'objet de tout un battage publicitaire pas plus tard que l'été dernier. Exactement. Puis dans le fond, lui, ce qu'il me disait, c'est qu'on n'a absolument rien contre The New Cities. Genre, on n'a pas envie de dire quoi que ce soit contre eux. On les aime bien, c'est parfait. Nous, ce qu'on veut montrer aux gens, c'est qu'il y a autre chose. Donc, souvent, ce qui vient à nos oreilles, justement, c'est les grands noms, ce qui fonctionne, ce qui est un peu plus commercial, un peu comme la pièce que vous avez fait jouer ce matin. Là. Moi, ça m'a fait penser un peu aux New Cities. Oui. Exemple, puis c'est pas que c'est mauvais. T'sais, comme Sylvain a dit, c'est une bonne pièce, mais c'est juste que c'est plus conventionnel, c'est-à-dire que c'est fait dans un but d'aller rejoindre plus de gens. Exactement. Alors, ce que Louis-Alexandre Beauregard me disait, c'est que, dans le fond, eux, ils essaient d'aller chercher des groupes qui vont faire de la musique qu'eux considèrent comme une œuvre d'art. Parce qu'ils disent que ça s'est perdu un peu au fil des années, c'est-à-dire la musique, au départ, c'est un art. Donc, tu sais, aujourd'hui, on sait qu'avec les nouvelles technologies puis tout ça, ça devient plus facile pour plus de gens d'en faire de la musique. Donc, bref, c'est ça un peu l'optique de cette étiquette de disque-là. Donc, on n'a pas l'intention d'aller jouer dans la cour des grands, mais vraiment de se spécialiser dans les groupes et les formations musicales qui sont plus en marge dans le domaine musical. Exactement. Ça résume très bien l'idée. Okay. Puis, en fait, je voulais mentionner, j'ai oublié de nommer son collègue qui a parti l'étiquette de disque aussi, Philippe Allary. Donc, voilà, c'est un projet de Louis-Alexandre Beauregard et Philippe Allary. Okay. Et ils ont, eux aussi, en fait, ils ont un groupe en même temps qui est sur leur étiquette qui s'appelle Depose True The. Puis sinon, les autres formations qui figurent sur leurs étiquettes, il y en a 4. Il y a celle que j'ai mentionnée. Ensuite, il y a Each Row, Hey Predator et Danger Danger Mammoth Hunter. Puis on va entendre une pièce plus tard de cette formation-là, la dernière que j'ai nommée. OK. Puis sinon, pour conclure peut-être là, l'idée de l'étiquette de disque, ils ont aussi publié un livre. Puis pour vous donner un exemple là, du fait qu'ils mentionnaient que ça devrait être considéré comme une œuvre d'art, ils ont fait seulement 12 copies de ce livre-là qui a été assemblé à la main. Puis dans le fond, c'est que ça a été vendu une fois que l'auteur ait vendu des copies, exemple, à ses amis et à sa famille. Donc, il y a vraiment 12 personnes qui ont cette copie de disque livre, puis ont cette copie du livre, et ils n'ont pas l'intention d'en publier d'autres. Ça se bouscule à la sortie ce matin, Sophie. Oui, ça se bouscule. Ça Je arrive. Pense que mon cours de métaux me court après. Non, c'est pas vrai. Je fais des blagues. Donc, c'est ça. Puis en marge de cette étiquette de disque-là, puis en conclusion, vous pouvez consulter leur site web www.aribinsilla. Comment ça s'écrit? aribinsillah.com. C'est fantastique. Fantastique. Et donc, il y a un projet qui émerge de l'étiquette, soit une série de spectacles qui va avoir lieu à Trois-Rivières qui s'appelle « Feu de forêt dans le désert ». Et j'ai demandé encore une fois la signification. Puis ce qu'il me disait, c'est que c'est un peu comme si Trois-Rivières était le désert. Puis là, il essaie un peu de rallumer une flamme, donc « Feu de forêt dans le désert », parce qu'il considère aussi que malheureusement, la scène musicale trifluvienne est un peu trop silencieuse. Donc, il n'y a pas assez de choses qui se passent de ce côté-là. Puis, un peu pour revenir au fait que la musique devrait être considérée comme un art, cette série-là va avoir lieu à l'Appart, qui est une galerie d'art, justement, à Trois-Rivières. Et donc, ça va avoir lieu chaque troisième vendredi du mois. Et là, moi, je me suis dit que pour retenir, c'est pas compliqué, l'impro musicale, ici, à la Chasse-Galerie, c'est le troisième jeudi du mois. Donc, le lendemain, série Feu de forêt dans le désert à l'Appart, tous les troisièmes vendredis du mois. Donc, il devrait avoir 12 spectacles. Ouais. Et le premier qui va avoir lieu, ça va être le 20 novembre prochain. Et c'est au coût de 5-6 $ pour voir trois formations. Donc là, encore une fois, pour les étudiants, c'est vraiment coûteux. C'est encore une fois dans le budget. Oui, c'est encore une fois dans le budget. Puis ça, c'est toujours le fun d'arriver à proposer des concepts de spectacle comme ça, accessibles. Donc, on parle pas de 60 $ pour aller voir Brou, par exemple. Parenthèse. Oui, j'y vais, j'ai payé, bon. Non, je suis allée aussi, mais bon, ça, c'était un cadeau de Noël. Oui, c'est ça. Bon. Tiens-toi, dans les dents. Ouais, dans les dents. Mais non, mais donc, voilà. Dans le fond, moi, mon but aujourd'hui, c'était de vous faire découvrir cette étiquette de disque-là puis de vous faire prendre conscience qu'il y a des gens dont on n'entend pas parler, mais qui travaillent fort pour contribuer à ce que Trois-Rivières soit une ville culturelle et musicale intéressante. Puis moi, ça adhère un peu à toutes mes idées entourant le monde de la musique, c'est-à-dire donner la chance à des gens peu connus de... Exactement. De se faire connaître. Puis vraiment, là, j'ai vraiment eu de belles discussions avec Louis Alexandre, un personnage vraiment intéressant et passionné par ce qu'il fait. Okay. C'est un peu comme C'est fou 89.1, hein? Ah, c'est pareil. Non, mais vraiment, on se rejoint. Nous, notre mandat, entre autres, bien, bien spécifique, c'est d'agir en complément des autres radios qui ont, on s'entend pour le dire, là, qui ont des licences commerciales. Donc, c'est de favoriser la promotion et l'écoute et la découverte de différentes formations. On n'a pas nécessairement le goût de faire dans la balance commerciale, puis on a le goût de produire des choses qui sont originales, qui sont vraiment super bonnes. Puis ici, ils ont vraiment l'occasion de se faire entendre. Puis on est vraiment fiers de le faire pour eux, bien entendu. Il y a souvent une petite aparté comme ça, je sais qu'on s'étire un peu. Souvent, les formations musicales, exemple, les trois accords, on peut en nommer énormément. On a l'impression qu'on va découvrir dans les stations commerciales. Écoute, c'est pas le compétiteur pour nous, là. Ça reste des collègues. Puis, tu sais, plus il y aura de stations qui diffuseront diversité de produits, tant mieux, là. Mieux ça sera. Mais les gens ont comme l'impression, on vient de découvrir les trois accords, non? Il y a énormément de formations qui ont débuté chez dans nous. Dans l'ombre un peu. Puis chez nous et dans d'autres radios universitaires. Les gens ne les connaissaient pas. Donc, c'est une bonne occasion ce matin qu'on a de faire non seulement la promotion d'Aribinsilla, hein, mais de C'est fou 89.1 FM. Achetez-tu marketing rien qu'un peu? C'est songé. You're a businessman. Marketing. Puis sinon, un peu plus près, date, si vous avez envie d'aller rencontrer Louis-Alexandre, je suis sûre que ça va lui faire plaisir de vous parler si vous avez des questions à lui poser ou simplement envie de parler de son projet. Sa formation, donc, Deepest Trude, va faire la première partie de la formation Gilles Cancer le 14 novembre prochain au Zénob. Donc, c'est le lancement en même temps de l'album de Gilles Cancer. Et encore là, une autre occasion d'avoir un spectacle de qualité à prix modique. Là, j'ai pas le prix comme ça rapidement, mais j'imagine que c'est pas plus de 5 $. Sinon, Sophie, je m'en excuse. Sophie, le temps nous bouscule. Malheureusement, on n'aura pas le temps d'écouter la pièce que tu avais sélectionnée pour nous. On a Mme Sophie Ménard. Mais peut-être que tu auras la chance plus tard dans l'émission, De la faire jouer. Absolument. Fait que je peux l'annoncer. Je te laisse. Annonce-la, ça va me faire plaisir. J'y tiens. Donc, la formation, c'est une formation qui est sur cette étiquette-là, justement. Danger, Danger, Mammoth Hunter. Et la pièce s'appelle Old Party, d'un mini-album qui s'appelle Four Songs, donc de quatre pièces. Voilà. Très bien. Ben, on écoutera ça. Je vous ferai jouer ça aux alentours de 8h45, après la visite de Mme Sophie Ménard, qui est psychologue au service aux étudiants. Mme Ménard qui viendra nous parler après la pause publicitaire, qui va suivre à l'instant, de lecture efficace, hein? Trucs et astuces du côté de vos études, chers étudiants. Donc, Mme Ménard concevra sous peu. Sophie Laforêt, merci beaucoup. Bonjour, Monsieur Blais. Debout, là. Il est 7h, c'est l'heure de prendre votre pilule. Oh boy, ouais, c'est bien vrai, ça. Oubliez de prendre ma pilule du lendemain, ma merveilleuse pilule. La pilule du lendemain, c'est ton émission du matin. 2 heures d'information, de culture, de sport et de divertissement. Tout ça agrémenté des palmarès de C'est fou. La pilule du lendemain, c'est du lundi au jeudi, de 7h à 9h. La pilule du lendemain est une présentation du service aux étudiants de l'UQTR. La pilule du lendemain, c'est l'ultime remède.